Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire du paysage dans la fabrique de l'histoire. Hier, vous avez pu réentendre l'entretien que nous avait accordé en 2012 le paysagiste Michel Corajou. Demain, nous vous proposerons une émission d'archives consacrée au paysage dans la peinture romantique avec Pierre Watt, Elisabeth Desculteaux et Yvon Le Scanf. Tandis que jeudi, le débat portera sur l'idée selon laquelle le paysage serait véritablement né dans le regard des hommes et des femmes de la Renaissance. On en débattra donc tous ensemble. Et aujourd'hui, nous partons avec le documentaire de Perrine Kervran et Véronique Samouilov sur une plage de Normandie, ou plutôt nous plongeons dans un tableau représentant une plage de Normandie, celle de Trouville, peinte par Claude Monet en 1870. Que voit-on quand on s'approche de la fine couche picturale posée sur la toile par le jeune Monet, qui est celle dont on discerne la silhouette au premier plan ? Camille sur la plage de Trouville, une ombre dans le tableau de Monet, un documentaire de Perrine Kervran et Véronique Samouilov jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire avec les témoignages et les analyses de Marianne Alphand, Marianne Mathieu, Adrien Goetz, Anne-Marie Bergeret, Sylvie Patin, Manuel Charpie, Alain Corbin et Bruno Delarue. C'est un morceau de plage, le point de vue est biais. C'est peut-être ça qui définit le mieux les impressionnistes, un point de vue inattendu. En gros, tout le monde vient au bord de la mer admirer l'horizon, regarder l'infini. Et les impressionnistes regardent à côté, regardent de travers. Et là, c'est pareil. Monet propose un cadrage où c'est le chapeau d'une jeune femme qui barre l'horizon, un chapeau avec des fleurs artificielles qui est dans l'ombre. D'eau à la mer. Camille sur la plage de Trouville, une ombre dans le tableau de Monet. Et là, elle ne se baigne pas. Sur ce tableau, elle ne se baigne pas, mais justement, à mon avis, elle pourrait se baigner à un moment de la journée, ou alors faire une excursion sur la plage, comme le recommandaient les médecins, après s'être baignée. C'est possible, ça. Puis alors les autres, ben, ils viennent voir la mer, hein, ils viennent voir la mer, ils viennent respirer. Un petit tableau de Claude Monet accroché au musée Marmottan. Au premier plan, deux femmes aux cheveux tressés, en chapeau noir et robe rayée bleu et blanc. L'une d'elles est peut-être Camille Doncieux, la première femme de Monet. Du vent, du sable, de l'air, du mouvement, des nuages, un ciel bas, du blanc, du beige, du bleu, du vert, et quelques très discrètes pointes de rouge. Comme une toute petite balle qui rebondit à l'arrière de ce tableau peint à l'été 1870. La mer est grise, le ciel est un peu gris. C'est la plage de Trouville, la pointe de Sainte-Adresse ou les roches noires, mettons, enfin peu importe. Et on voit à peu près rien du paysage. Finalement, on voit du sable et des bourgeois posés sur ce sable, quoi. Mais il n'y a pas de soleil là, puisqu'ils sont tous couverts. Hein. Il n'y a pas d'ombrelles. Alors, ce ne sont pas des ombrelles, mais j'ai l'impression, une espèce peut-être de... Alors, est-ce que c'est un parapluie, là, à l'arrière-plan ? Non, c'est une ombrelle. Le parapluie, non, il ne serait pas venu sur la plage. La gosse, là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ce qui est caractéristique, ce sont, bien sûr... position de ces deux femmes qui sont habillées de la même façon, coiffées un peu de la même façon, avec une sorte de petit chapeau à fleurs qui est presque semblable, comme si l'une était la petite sœur de l'autre, ou comme si c'était ce que Monet a souvent fait, deux personnages, enfin deux fois le même personnage, dans des positions différentes. Est-ce elle ? Est-ce que ça n'est pas elle ? On ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette fine couche d'huile et de pigments posée sur cette toile de 48 cm sur 38 cm ? Eh bien, on peut parler de Monet, de sa jeunesse normande, de son ami et maître Eugène Boudin. Et puis, on peut aussi parler de la mode des bourgeois sur la plage de Trouville, des stations balnéaires, mais aussi de la fin du Second Empire, de la guerre, ou encore des lumières fugaces, des instants heureux. Et enfin de Camille, la femme de Monet, silhouette songeuse et fantomatique au premier plan du tableau, dos à la mer. Dos à la mer, pendant que dans le fond du tableau, les bourgeois paradent sur la plage de Trouville. Alors, une journée à Trouville, en 1170, c'est une journée obligatoirement mondaine, parce que seul Bruno Delarue, en fin de compte, des gens de la haute société, fréquentent les stations balnéaires. En 1170, au départ, c'était vraiment les aristocrates, la très grande bourgeoisie. Dans les années 70, déjà, la petite bourgeoisie commence à venir et imite, en fin de compte, imite la grande bourgeoisie. Il faut savoir que Trouville a été découverte par Charles Mauzin, qui est arrivé en 1825. Il avait 19 ans, il s'est installé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que peindre après, lui, les pêcheurs. On était encore dans l'époque pittoresque. Mais bien sûr, les peintres sont tous venus. Quand en 1838 est inauguré le premier casino, qui n'est alors à l'époque qu'un petit salon, il est marqué sur l'affiche que Trouville... comme une publicité que Trouville est fréquentée par de nombreux peintres. Quand Monet arrive en 1870, Trouville a vu des peintres bien sûr très importants, notamment le passage en 1865 de Courbet, qui a été mémorable, tant il a fait fortune un peu en peignant d'abord la princesse Caroline, le portrait de la princesse Caroline, qui était une Hongroise, je crois, et puis après, les femmes se sont précipitées dans son atelier. La même année, il y avait Whistler. Boudin vient depuis 5-6 ans tous les étés à Trouville. Donc oui, il y a absolument, sur toutes les plages, en fait, il y a des peintres. Alors les premiers peintres, eux sont venus pour... c'était des peintres romantiques. Hein. Les premiers, ce sont Isabée, ce sont ces gens-là. Et eux, bien sûr, il y avait pas, le balnéaire n'était pas développé à l'époque et ça ne les intéressait pas. C'était des peintres romantiques, en fin de compte. Mais ils sont venus et ils ont fait connaître beaucoup, beaucoup la côte normande parce que leur tableau est exposé au salon à Paris et beaucoup de gens ont découvert des petits villages comme Yport, comme Étretat, grâce souvent à ces peintres. Oui, il est évident que leur regard a été modelé par la peinture. Alain Corbin. N'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, voir la mer, ça signifiait souvent s'être rendu une exposition des tableaux dans lesquels il y avait des peintures de mer, en particulier celle de Vernet. Et que voir la mer, c'était voir la mer en tempête, c'était voir un naufrage, etc. Je ne sais plus qui... C'est Marmontel, mais j'en suis plus très sûr, enfin un des philosophes du XVIIIe. Je suis allé à Dieppe et je n'ai pas vu la mer. Bien sûr qu'il avait jeté un coup d'œil sur la mer. Mais quand il disait « je n'ai pas vu la mer », ça voulait dire « je n'ai pas vu la mer en tempête, je n'ai pas vu un spectacle sublime ». Alain Corbin, justement, quand vous avez travaillé sur les territoires du vide, vous avez vu à quel moment se métamorphoser ce qui était... plutôt une peur, une méfiance par rapport à la mer, et puis devenir peu à peu un attrait, un désir, pour diverses raisons. Ça s'est développé en Angleterre, au milieu, en plein milieu du XVIIIe siècle, pour des raisons à la fois médicales et religieuses. C'est le docteur Russell qui a dit que Dieu, ayant créé le mal, devait avoir créé aussi dans la société le remède au mal. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand sur la Terre, enfin sur la planète? C'est l'océan, c'est la mer. Donc c'est sans doute là que Dieu a placé le remède. Il faut donc aller à la plage milieu du XVIIIe siècle. Et en rien de temps, en 5 ou 6 ans, c'est devenu vraiment un engouement inimaginable, pour Brighton en particulier. Il y avait des embouteillages sur la route de Londres à Brighton au bout de 4 ou 5 ans, mais la France ne suivait pas, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la France ne suivait pas, et ce n'est que sous la Restauration, en fait, que la plage démarre en France, et une plage, essentiellement Dieppe, parce que la duchesse de Berry a mis Dieppe à la mode, et alors la cour allait l'été à Dieppe, un petit peu aussi Granville, Dieppe, Granville, mais ça ne démarre vraiment en France que sous le Second Empire. Les gens vont venir au départ pour soigner. Après la rage, on va soigner le lymphatisme. Et puis bientôt, on va tout soigner, absolument tout. Parce que ce qu'il faut, c'est attirer de la clientèle. Et chaque station va avoir un médecin attitré qui va à chaque fois, toujours, obligatoirement, publier un petit fascicule dans lequel il va dire que l'eau est particulièrement bonne à cet endroit pour telle maladie. Les médecins recevaient les femmes en particulier au début de la cure marine. Les bains sont une prescription médicale. L'après-midi, il est bon de faire des promenades sur les dunes. Tout ça est écrit et prescrit. Et bien entendu, le bain en voiture de bain tirée par des chevaux jusqu'à 2 mètres à peu près de hauteur. À ce moment-là, le guide juré, parce qu'on ne peut pas mettre les femmes dans les mains de n'importe qui, ce sont des guides qui ont prêté serment d'être corrects. Ces guides jurés prennent la femme dans leurs bras, c'est là que ça devient effectivement délicat, et plongent la femme, tête la première d'ailleurs en général, dans l'eau brutalement. C'est le bain à la lame. Au fond du tableau, on voit des silhouettes délicates et oisives qui discutent entre elles. Une nurse qui se penche vers un enfant ou une vieille femme très chic qui se perd dans la contemplation de la mer. Vous savez ma passion pour la mer et celle-ci est si belle, instruit comme je le suis et ne cessant de l'observer. Si je vivais ici des mois encore, je suis sûr que j'arriverais à faire des choses tout à fait bien. Je sens que chaque jour, je la comprends mieux. Elle est terrible. Elle vous a de ses tons d'un vert glauque. Bref, j'en suis fou. Mais je sais bien que pour peindre vraiment la mer, il faut la voir tous les jours, à toute heure, et au même endroit pour en connaître la vie. Claude Monet. Bruno Delarue, quand on regarde le tableau de Claude Monet, il y a ces piquets qui sont plantés dans la mer, auxquels sont accrochés des cordes, alors des piquets très hauts. Il n'y a pas de station balnéaire sans une réglementation de police. Et celle de Trouville date de 1838, la même année que la construction du casino. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette police des bains de mer? Eh bien, elle dit plusieurs choses. La première, bien sûr, c'est qu'elle surveille la pudeur. Et elle dit surtout qu'il faut séparer les sexes. Et ces poteaux que l'on voit, justement, sont des limitations, des espaces réservés à la fois aux hommes et aux femmes. Et quand Monet peint ce tableau, en 1870, il y a entre l'espace réservé aux femmes et l'espace réservé aux hommes, un espace où personne n'a le droit d'aller, qui est un espace qui fait une cinquantaine de mètres, ce qui fait que les deux groupes, les sexes féminins et les sexes masculins, ne peuvent absolument pas se rencontrer. D'où cette proportion, à l'époque, avoir des jumelles ou des lorgnettes. Quelques années plus tard, je crois que c'est en 1874, entre ces deux espaces qui sont l'espace masculin et l'espace féminin, va être ouvert un espace mixte, en fin de compte, qui va être l'espace des familles. Sur certains tableaux, beaucoup plus anecdotiques, si vous voulez, on voit les femmes se tenir à la corde. Anne-Marie Bergeret. Pour ne pas être chavirées par la lame. Les femmes se changeaient, elles avaient des costumes très lourds, elles avaient des costumes en laine, en lin. Elles étaient affublées vraiment de pantalons, de chaussures, de bas, de corsets. Quelquefois, selon maillot de bain, la charlotte sur la tête, elle pesait très lourd. Donc elle se jetait dans l'eau et elle restait 10 minutes. Mais il ne faut pas oublier ce bain qui était d'abord une thérapie. Ce territoire-là, qui est un territoire de contact entre l'eau, Alain Corbin, entre la terre, le sable, mais aussi le vent. Et je crois que le vent est très important, depuis le début d'ailleurs du siècle, pour les romantiques, pensez à René de Chateaubriand se promenant sur le bord de la mer, les cheveux nettement redressés par le vent, et que l'aération est considérée depuis le XVIIIe siècle comme un bienfait. Sur le tableau de Monet, c'est un véritable défilé. Des grappes de femmes en robes sombres et chapeaux, la taille serrée par les corsets, un homme en chapeau haute forme, des ombrelles, des manches longues, et au premier plan, deux vraies robes de plage. Le matin, on ne s'habille pas trop. C'est même de mauvais goût d'étaler ses grandes toilettes le matin. Bruno Delarue. Donc la matinée se passe généralement avec un bain. La plage, en fait, est un espace de salon où on reste très longtemps. Après, on va en terrasse de café, qui sont très importants, où on est à la fois voyeur et vu. Comme la promenade sur les planches. C'est un endroit de rencontre et en fait de connaissance de mondanité. C'est comme ça qu'on sait qui vient d'arriver, par exemple, dans la villégiature. Donc, l'important, si on considère ce tableau, c'est qu'il se situe, à mon sens, à un moment clé, qui est un basculement lent entre le thérapeutique et l'hédonique. C'est-à-dire qu'on commence à venir là, à la plage, pour se faire plaisir sans avoir trop de visée de médicale. Et ce tableau a l'intérêt de montrer un moment où ça commence. Hein. Ces femmes qui sont là, on n'a pas trop l'impression qu'elles viennent pour des raisons thérapeutiques. Alors on s'habille sur la plage comme on s'habille dans sa résidence secondaire ou en villégiature. Manuel Charpie. Mais on s'habille globalement avec les codes vestimentaires de la ville, encore une fois, qu'on transporte comme ça au bord de la mer. Et on est sur cette plage comme dans un espace mondain. Encore une fois, ça pourrait être un champ de course ou un parc élégant type Monceau ou le Jardin de Luxembourg. Ce serait à peu près les mêmes vêtements. D'ailleurs, si on repère un enfant habillé en petit marin avec un pompon rouge, il est aussi en quelque sorte transporté directement du parc du Luxembourg. On trouve exactement les mêmes au même moment, au bord du grand bassin du Luxembourg. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que, et ça la bourgeoisie le transporte de Paris, à chaque espace et à chaque moment de la journée, correspond une façon de s'habiller. Plusieurs manuels de l'époque de savoir-vivre des années 60-70 précisent qu'on a en gros au moins 5 toilettes si on veut être dans le bon ton. Donc on a une robe de plage, mais on a aussi une robe pour le casino, une robe pour la ville, une robe pour le matin, etc. etc. La plage est un espace de mode. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a cet espace de la plage où les gens vont se montrer, mais qu'on a, et c'est en quelque sorte hors cadre, toujours une promenade, c'est-à-dire les planches, qui vont s'apparenter à une scène de théâtre ou, en fait, très bientôt, à un podium de mode, c'est-à-dire qu'on défile réellement sur cette zone. Et puis les cabines de bain qui s'apparentent très nettement à des cabines d'essayage des grands magasins. Donc on a une espèce comme ça d'espace de la mode qui se recrée avec des changements de costumes dans ce petit théâtre marin. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont organisées au casino. Il y a des petits concerts l'après-midi, il y a des kiosques. Et puis, la soirée, voilà, c'est le moment peut-être le plus important pour les mondanités. On se retrouve donc soit dans les très grandes villas, quand il y a une réception. Par exemple, à Trouville, c'était très important d'être chez Madame Erlanger, je crois, qui recevait de 5 à 7. Alors après, soit le dîner se fait chez soi, bien sûr, ou alors au casino, parce que le casino, qui est l'élément indispensable du balnéaire, des stations balnéaires, fait aussi toujours restaurant. Hein, c'est-à-dire qu'il a 3 fonctions. Le casino fait restaurant, c'est un lieu de jeu, bien sûr, et puis aussi c'est un lieu culturel, puisque c'est au casino que se passent les bals, les concerts, les pièces de théâtre. Donc c'est peut-être le plus important dans le déroulé de la journée, ce temps-là. Et puis après, on a toute une vie mondaine qui se développe, qui est encore une fois un prolongement de Paris. C'est un temps de vacances qui est assumé comme tel. Bref, y a, à part ce grand temps de vacances et d'ennui, bon, qui finalement pour beaucoup de femmes bourgeoises n'est pas très différent de ce qu'elles vivent à domicile, et qui est le prolongement, la correspondance, l'écho avec l'infini de la mer, en gros. Enfin, le grand vide. Et ce grand vide, c'est un grand vide aussi d'activité. Le nouvel emploi du temps bourgeois, l'obligation de ne rien faire, va devenir tout aussi forte que l'obligation de faire. la villégiature. C'est quand même le domaine de la femme, puisqu'en semaine, en général, c'est elle qui reste là avec les enfants. Le mari est reparti et il vient normalement que le week-end, souvent ce qu'on appelle par le, d'ailleurs joliment, par le train des cocus. Je veux lutter, gratter, recommencer, car on peut faire ce que l'on voit, ce que l'on comprend. Et il me semble que quand je vois la nature, quand je vais tout faire, tout écrire, quand on est à l'ouvrage, tout cela prouve qu'il ne faut penser qu'à cela. C'est à force d'observation et de réflexion que l'on trouve. Ce qui frappe dans ce tableau en le regardant au premier abord, c'est qu'on a l'impression Sylvie Patin d'un doublon. C'est-à-dire que Camille est assise sur une chaise, si c'est Camille, cette figure est assise sur une chaise, et elle fait face à une autre figure assise sur le sable qui lui ressemble étrangement, qui porte quasiment la même robe. On peut se dire que c'est comme si le personnage était représenté deux fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ces robes à rayures blanches et bleues? Effectivement, ça pourrait être la même personne. Manuel Charpie. Il y a des chances aussi que ce soit ça. Simplement des filles, en gros une jeune fille et puis sa jeune sœur, d'une même famille. Le vêtement est investi par la bourgeoisie comme un moyen de montrer, de mettre en scène la famille. Donc on habille volontiers les sœurs, par exemple, de la même manière pour souligner le caractère, la force, on va dire, de la famille, la cohésion de la famille. Et sans doute que si elles ont deux petits frères, ils sont habillés tous les deux en petits marins de la même manière. Le tissu rayé, alors ça devient très très courant au milieu du siècle, ce tissu rayé d'été en quelque sorte. Alors là, ça doit sans doute être des cotons assez légers, mais effectivement on a un motif assez particulier qu'on porterait pas en ville, qui va être très vite lié au loisir. Voilà, quand on va aller jouer au tennis, quand on va aller aux courses, etc., on va porter aussi ces vêtements... de loisirs. C'est clairement aussi lié, effectivement, mais ça c'est assez évident, à tout l'imaginaire de la marine, en quelque sorte. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'en plus ce sont des robes très claires, donc qui tachent, et donc ça c'est une fonction distinctive aussi. Donc on ne s'assoit pas par terre, même si le sable est propre, même si la plage est artificielle. Et effectivement, ces robes sont portées avec des corsets. Alors, la mer et la plage libèrent les corps. Donc on ne porte pas les mêmes corsets souvent, on a des corsets plus libres, un peu moins contraignants. On peut s'asseoir, et d'ailleurs on le voit sur l'image, on peut s'asseoir de travers sur une chaise. Voilà, donc en fait on passe beaucoup d'heures à rien faire sur ces plages. On passe beaucoup de temps à lire, à discuter, mais on passe aussi pour les jeunes filles pas mal de temps à peindre des marines. Voilà, à l'aquarelle, on fait des petites marines sur un carnet, on écrit ses souvenirs, etc. Il y a une chose aussi assez marrante là, chez Monet, chez ces impressionnistes, c'est-à-dire qu'ils peignent à côté de quantités en fait, de peintres amateurs qui vont aussi produire des petites choses, souvenirs comme ça de vacances. Et on trouve d'ailleurs trace de ça dans tous les albums de famille. Je pense notamment, pour parler d'un autre peintre, à l'album de famille de Bonnard, par exemple, où on voit quantité de photos de ses vacances à la plage. Et les impressionnistes produisent des images au milieu de quantités d'autres images. J'insiste un peu parce que je pense que la question du regard est essentielle. On vient voir la mer. Tous les hôtels s'appellent Beau Regard, Bel Horizon, etc. Et puis on va commencer à produire en quantité des cartes postales. Enfin, on est vraiment dans une fabrication du regard, d'un regard stéréotypé. Et au milieu de ça surgit un regard différent, assez iconoclaste en fait, hein, sur la plage. Encore une fois, la jeune fille qui est la plus jeune, qui est assise, pourrait être en train de dessiner. Voilà, si on imagine ça, finalement ça colle, elle dessinerait ce qu'elle a sous les yeux, c'est-à-dire ce que tout le monde regarde, le paysage, et Monet dessine un bric-à-brac de bourgeois dispersés comme ça sur la plage. Si on entre dans le tableau et qu'on s'assoit dans le sable à côté de la jeune fille, face à nous il y a Claude Monet, affairé sur sa toile, ses cheveux longs décoiffés par le vent, son chapeau qui lui fait de l'ombre sur le nez, et à côté de lui peut-être Eugène Boudin, lui aussi, et les pinceaux à la main. Vous savez l'affection que j'ai toujours eue pour vous, et aussi la reconnaissance. Je n'ai pas oublié que c'est vous qui, le premier, m'avez appris à voir et à comprendre. Comme vous, bien des fois, j'ai pensé à ses débuts, à ses délicieuses courses en compagnie de Yonkin, de Courbet. J'espère bien cet hiver venir vous serrer la main et causer de ce bon temps. Signé votre vieil ami, Claude Monet à Eugène Boudin, le 22 août 1892. Alors, il faut imaginer sur cette plage de Trouville, évidemment, ce trio, Boudin, Jonquing et Monet, allant de temps en temps aussi à la ferme Saint-Siméon, le rendez-vous des peintres, qui avait été celui de Diaz. Sylvie Patin. Boudin, qui avait accueilli beaucoup de nombreuses fois Jonquing, qui était l'un peintre venu de Hollande, et puis Monet, qui apprenait auprès des deux, parce qu'il a dit de Boudin, si je suis devenu un peintre, c'est à Boudin que je le dois. Alors de Jonquing, Monet a pu dire qu'il fut mon vrai maître, mon premier maître, il a fait l'éducation de mon œil. Donc si vous voulez, nous sommes à la fin de la période des débuts de Monet, et ce dernier été à Trouville, il en gardera certainement des souvenirs très forts, car plus tard, dans les années 1890, et il recevra une lettre de Boudin qui lui dira « Oh, vous vous souvenez de nos courses sur la plage avec Jonquing, avec toute cette vie menée ensemble ?» Et Monet lui répond « Bien sûr, je m'en souviens. » Alors on peut dire qu'il a été très proche d'un peintre qui va disparaître justement à la guerre franco-prussienne, c'est Basile. Basile, qu'il a invité d'ailleurs sur la côte normande, avec qui il est allé à la ferme Saint-Siméon, à Honfleur, sur la route d'Honfleur. Basile, qui l'a introduit un petit peu dans ce milieu de peintres, puisqu'il avait fait partie d'un groupe de quatre peintres, Basile, Renoir, Sisley et Monet, dans l'atelier Glaire dans les années 60. Alors Monet, à cette époque, a justement suivi un processus qui a été celui des peintres impressionnistes à leur début, c'est-à-dire de regarder vers leurs prédécesseurs, vers Corot, vers les peintres de Barbizon. Ça, c'est un trait d'époque, de former des communautés d'artistes. Il y a ceux qui sont allés à Chailly, à Barbizon, pour peindre en forêt. Adrien Goetz. Et puis, il y a le groupe de la ferme Saint-Siméon, il y a Honfleur, il y a ces foyers de peinture. C'est une caractéristique aussi d'une société où les peintres n'aiment pas être seuls et aiment peindre à côté d'autres artistes amis et en concurrence. Monet et Renoir, côte à côte à la Grenouillère, Pissarro et Monet, il y a toujours des dialogues et ça c'est très important. Il y a des phénomènes de fraternité artistique qui sont très caractéristiques de ce 19e siècle. Si on découpe un rectangle dans la partie supérieure droite du tableau, on obtient un tableau de Boudin. Un de ces groupes de bourgeois en mouvement dont on entendrait presque les rires, les conversations et les robes frémir si l'on se penchait un peu pour tendre l'oreille. Comment est-ce que Monet et Boudin se sont rencontrés ? Boudin vivait en grande partie au Havre et Monet aussi. Anne-Marie Bergeret. Et Monet à cette époque était tout jeune, c'est en 58, à peu près 57-58, où Monet faisait surtout des caricatures. Au crayon. Il avait 18 ans à peu près. C'est ça, exactement. Ils se sont rencontrés dans un magasin qui exposait des tableaux et qui vendait des cadres. Et Boudin a un peu accroché Monet en lui disant « Vous avez du talent, mais ne perdez pas votre talent à faire ça. » Et Monet était très réticent. Et puis, à force de persuasion, Monet est allé peindre avec Boudin. Et plus tard, il dira que c'est à ce moment-là qu'un voile s'est déchiré et qu'il a compris ce qu'était la peinture. Donc Boudin a entraîné Monet à la campagne. Monet s'est mis à peindre assez souvent des paysages qu'il a présentés, par exemple, à l'exposition du Havre en 58. Et quand Monet est venu régulièrement suite à Honfleur, où Boudin revenait très très souvent à l'auberge Saint-Siméon, et le thème des plages est né chez Boudin, à partir du moment où il s'est installé à Trouville, il a quitté Honfleur, il est allé à Trouville en location et il s'est mis à peindre donc les bains de mer. D'ailleurs, Boudin le disait à un moment, avec un peu de mélancolie, il disait « Je sais, je serai toujours le peintre des plages ». C'est vrai que c'est un peu, on peut le dire quand même, un peu le thème qui a plu au public. Et qui pouvait se vendre. Et qui pouvait se vendre. D'autre part, il est de là-bas, si je puis dire. Hein. Il est normand. Ses attaches premières, c'est le Havre. Cette côte lui est extrêmement familière. Marianne Alphand. Quand il s'agit de trouver des motifs, comme disent les peintres à l'époque, l'idée de la plage est une idée qui, d'une certaine façon, lui est naturelle. Hein. Mais d'autre part, il y a peut-être aussi il peut y avoir aussi l'idée que ce sont des motifs qui peuvent trouver des acheteurs. L'idée d'être là-bas, en plus avec Boudin qui peint ce genre de scène, donc dans l'état de précarité, de pauvreté dans laquelle Monet va se trouver pendant si longtemps, les petites choses, dehors, abrégées, rapides, etc., sont une solution. Et en même temps, c'est son élément. La nature commence à devenir belle, ça jaunit, ça devient plus varié. Enfin, c'est admirable. Et je crois que je suis pour longtemps en fleurs. Je n'aurai plus le courage de m'en aller. Il y a du vent, de beaux nuages, des tempêtes. En pareille société, il y a bien à apprendre. Yonkin et Boudin sont là, nous nous entendons à merveille et ne nous quittons plus. Claude Monet à Basile, le 26 août. Monet saisit rapidement une instantanéité, une émotion aussi, une qualité de lumière. Ça, c'est la période où il excelle à faire cela. Hein. Et quand il peint Impression soleil levant, il y a vraiment cette immédiateté qui est directement perceptible. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où un tableau est réalisé ainsi en plein air en quelques heures, il lui donne un caractère fini et achevé, qui fait que ça n'est pas une simple étude, parce qu'il le signe. Et regardez ici à gauche, dans de hauts caractères qui affirment sa personnalité en rouge, il signe Claude Monet pour bien montrer que c'est une œuvre achevée, que ça n'est pas une pochade, que ça n'est pas un tableau exécuté rapidement pour garder un souvenir d'un moment heureux vécu à la plage. C'est véritablement une œuvre qu'il entend faire entrer à son catalogue et faire passer à la postérité. Ce qui définit aussi la peinture impressionniste, c'est cette fragmentation de la touche, mais qui n'est pas ici présente vraiment dans cette toile. Cette toile, c'est une toile de plein air. Il y a eu une toile peinte sur la plage de Trouville en 1870, qui est conservée à la National Gallery de Londres. Et des examens ont été faits en laboratoire à la National Gallery de Londres. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des grains de sable entre la peinture et la toile. La peinture d'un sujet quotidien, vous n'avez pas de sujet historique, mythologique, allégorique. C'est la peinture de l'instant, du moment. La peinture, comme le dira un critique comme Zola, moderne. Il y a une volonté, Adrien Goetz, d'être un grand artiste et d'apporter quelque chose à l'art, hein, une volonté d'être dans une grande tradition et pas forcément en rupture. D'ailleurs, cette peinture de plein air n'est pas la peinture de rupture qu'on imagine trop souvent. On a en tête des images qui viennent du cinéma. On voit Van Gogh incarné par Kirk Douglas qui sort dans les champs de blé avec son chapeau de paille sur la tête et qui prétend faire la révolution. En réalité, quand on va au Louvre, on tombe par exemple sur des études peintes par François Desportes vers 1700, qui sont des études faites dans la nature. Ce qui a simplement changé, c'est le statut des études de plein air, c'est-à-dire que la métamorphose n'est pas dans la technique, elle est dans le regard du spectateur et dans l'intention du peintre. C'est là qu'est la révolution, et cette révolution s'est accomplie déjà au temps de Corot. Et là, c'était une vraie mutation décisive dans l'histoire du paysage. Monet en hérite, il ne l'invente pas. Dans le tableau des rayures, des taches de couleurs, des jeux de gris, de blanc, de vert, et puis le vent, le sable, la lumière, un tableau atmosphérique qui saisit l'éphémère dans ses jupes gonflées par le vent et cette lumière qui perce les nuages. Ce que nous peint Monet, c'est une France de la douceur de vivre qui n'existe plus pour très longtemps, mais qu'il représente et qui n'est pas la sienne, puisqu'il représente souvent dans cette série de Trouville l'hôtel des Roches Noires, et lui, avec Camille, sa compagne, habite une petite pension beaucoup plus modeste. Monet n'a pas de quoi nourrir sa famille, il est dans une situation extrêmement précaire, et dans sa peinture, ce n'est pas du tout ce que l'on voit. Il y a une sorte d'utopie d'ancien régime chez Claude Monet qui est très curieuse. On pourrait imaginer que, comme Renoir d'ailleurs, tous ces impressionnistes sont en train d'inventer une peinture moderne, sociale, qui serait du côté du peuple, de la révolution, de ce que raconte Zola. Bon, et en réalité, pas tellement. Et tout ça aboutit à Giverny, qui va être le petit Trianon de l'impressionnisme. Regardez la maison de Giverny avec son petit fronton triangulaire, ce très beau jardin, cette fantaisie japonaise. C'est la très jolie fermette, c'est le hameau de Monsieur Monet. Alors en 1870, Monet a 30 ans. Il est né en 1840. Il a été déjà un peu reconnu, mais il n'est pas riche. Alors il s'est passé aussi un grand événement pour Monet, c'est que le 28 juin 1870, il a épousé Camille Doncieux. Il l'a épousée à Paris, ayant Courbet comme témoin. Donc Camille Doncieux, son modèle qui lui avait donné en 1867 un premier fils, Jean, et qui lui donnera un second fils en 1878, le jeune Michel. Je suis décidément né sous une mauvaise étoile. Je viens d'être mise à la porte de l'auberge où j'étais, et cela nu comme un ver. J'ai casé Camille et mon pauvre petit Jean à l'abri pour quelques jours dans le pays. Post-scriptum, j'étais si bouleversé hier que j'ai fait la boulette de me jeter à l'eau. Heureusement, il n'en est rien résulté de mal. Marianne Mathieu, on est donc toujours avec vous au musée Marmottan, et là on est dans une petite salle où il y a des portraits de Monet. Alors, Monet peint par d'autres artistes, alors on le voit bien sûr sur plusieurs images avec son chapeau, sa grande barbe. On a l'impression de toujours le connaître, l'avoir en tête comme ça. Et là, devant nous, il y a un portrait qui doit correspondre un peu à l'image qu'il avait justement en 1870. Il doit avoir entre 25 et 30 ans sur ce portrait, et ce n'est pas du tout le Monet qu'on a en tête d'habitude. Peut-être pouvez-vous nous le décrire ? Oui, alors Monet n'est pas encore barbu. On voit un jeune homme séduisant, au regard ténébreux et décidé. Il a une chevelure coupée au carré, ramassée vers l'arrière. Il porte une chemise ou une veste à rayures. Et puis il est assis de manière extrêmement désinvolte. On sent le caractère extrêmement vivant, extrêmement fort qui l'anime. Il y a quelque chose de très romantique en fait dans ce portrait. Oui, très romantique et puis presque un peu arrogant. On voit le regard de quelqu'un qui... Bon, c'est un portrait, c'est toujours un instant, mais en tout cas, à cet instant-là, on voit quelqu'un qui ne doute pas. Oui, je crois que c'est une certitude quand on parle de Monet. C'est quelqu'un qui ne doute pas, qui est animé par un projet qu'il a chevillé au corps. Tout est possible. Et c'est un jeune homme extrêmement indépendant et qui a une vie de bohème. Et ce portrait l'illustre dans une certaine mesure. Comment on pourrait le décrire à ce moment-là, en 1870 ? Je pense qu'il est déjà sûr de lui. Hein, Adrien Goetz. Ses lettres le prouvent, y compris quand il va demander de l'argent à ses amis et qu'il va leur demander des secours. Il est convaincu de son talent, mais il accumule les échecs. Donc il y a vraiment cette idée aussi qu'il a des amis, mais qu'ils n'ont pas encore réussi à fédérer leur petit groupe. Il faut attendre 1874 pour voir un groupe s'organiser. Et grâce à ce critique qui est Louis Leroy, dans le Charivari, c'est Monet qui, malgré lui, donne son nom au mouvement, puisque Impression Soleil Levant devient le tableau fondateur de l'impressionnisme au moment de l'exposition de 1874. Cet article de Louis Leroy, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Claude Monet de toute sa vie. On dit toujours que c'est un article stupide écrit par un critique qui ne comprend rien. En réalité, quand on prend la peine de le relire, il est au second degré. Et c'est Monet qui sort triomphant grâce à cet article d'éreintement. Ça, c'est la date importante, mais d'une manière qui n'est pas forcément celle qu'on décrit habituellement. Monet, très intelligemment, ramasse les insultes pour en faire des drapeaux, et ça, c'est un véritable talent. Hein. Il comprend qu'il faut être persécuté pour être génial. Et ça, c'est l'héritage de la génération romantique. C'est l'artiste de la bohème qui, parce qu'il est seul dans sa soupente et qu'il est incompris, est le véritable génie. Vous me dites que ce n'est ni 50 francs, ni 100 qui me tireront d'affaire. C'est possible, mais à ce compte-là, je n'ai plus qu'à me casser la tête contre les murs, car je ne puis prétendre à aucune fortune instantanée. Et si tous ceux qui m'ont tenu votre langage m'avaient envoyé, les uns 50, les autres 40 francs, etc., j'en serais pas là. Je relis votre lettre, mon cher ami. Elle est vraiment très comique. Vous me dites sérieusement, parce que vous le pensez, qu'à ma place, vous fendriez du bois. Et il n'y a que les gens dans votre position qui croient cela. Et si vous étiez dans la mienne, vous serez peut-être plus déconcerté que moi. Claude Monet à Frédéric Basile, 1869. Dans ce tableau, on voit une jeune fille mariée à un jeune peintre ambitieux, une jeune fille qui depuis longtemps pose pour Monet. Monet qui peint sans voir passer le temps. C'est une période difficile, une période des débuts. Il vit à Paris. Marianne Mathieu. Et il rencontre Camille Doncieux, qui est une jeune modèle qui vient d'une famille plutôt modeste, avec elle il va vivre hors mariage. Et en 1867, naît leur premier enfant, ce qui n'est absolument pas du goût de la famille de Monet, qui est établie au Havre, et son père lui coupe les vivres à ce moment-là. Et donc Monet, entre 1867 et 1870, la date à laquelle il va se marier avec Camille, va partager sa vie entre le Havre et Paris. Vous parlez de cette image de bonheur que peint Monet, c'est quand même peut-être une parenthèse dans sa vie, puisque c'est un des rares moments où Camille va se rendre à Trouville, non loin de la famille de l'artiste. Il part en 1870 pour échapper à la conscription et à la guerre à Londres, et à Londres, il va découvrir un nouveau paysage, Turner, Whistler, et quand il rentrera de Londres en passant par la Hollande, il ne portera plus jamais ce même regard sur la plage. Donc cette œuvre, c'est aussi le point final d'une certaine époque de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas s'empêcher de contextualiser par rapport à l'existence du peintre, Marianne Alphand, à ce qu'il est en train de vivre. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un contraste maximum, très très fréquent chez Monet, presque continuel, entre l'état d'inquiétude, d'angoisse, de détresse, de soucis de toutes sortes qui l'accablent pendant qu'il peint, et la façon dont les choses apparaissent sur ces tableaux. Il n'a absolument pas d'argent, comme toujours. Camille, lui et l'enfant sont dans une petite pension de famille à Trouville. Monet n'a pas de quoi payer l'hôtel. Il essaye de faire passer des billets à Camille par l'intermédiaire d'Eugène Boudin, qui est là aussi sur la plage, sans que l'hôtelier le voie. Bon, donc toute cette espèce de drame de la vie ordinaire, continuelle, et donc quelquefois je me dis qu'il en avait besoin de ça, de cette incertitude, de cette angoisse, pour peindre. Monet écrit des lettres qui sont déchirantes quand on les lit aujourd'hui à des amis plus fortunés, à Frédéric Bazzi, qui lui est d'une famille bourgeoise et qui a des revenus importants. Manet lui vient en aide. Monet est quelqu'un qui vit un peu au crochet de cette société artistique qui l'encourage et qui croit en lui. Et ça va aller en s'aggravant au fil des années. Le patriarche de Giverny, c'est bien plus tard. Monet est quelqu'un qui va tenter de mettre fin à ses jours durant cette période et qui véritablement souffre. Dans le tableau, la jeune fille semble songeuse, son esprit vagabonde, elle est rêveuse ou peut-être absorbée par ses pensées, préoccupée ou soucieuse. Comment savoir ? C'est important ce rapport de Monet et de Camille, parce que cette mort prématurée, ce destin totalement brisé, il est symbolisé dans ce tableau qui la représente sur son lit de mort, qui aujourd'hui est conservé au musée d'Orsay, qui est une peinture très importante à la fois dans l'œuvre de Monet et puis aussi comme témoignage de cette affection. Et le tableau que nous voyons ici, Camille sur la plage, eh bien, c'est finalement un tableau de famille. C'est une des rares images que Monet conservera toute sa vie de son épouse et que son fils Michel, son dernier descendant vivant, aura gardé avec une petite esquisse qui la représente exactement à la même période sur la plage de Trouville. Alors là, est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle seule ? Est-ce que c'est elle répétée deux fois ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ce qui est peu probable d'ailleurs. Est-ce que c'est elle et sa jeune sœur ? Parce qu'elle avait une sœur qui avait 10 ans de moins qu'elle. Mais ça aussi, c'est... On ne sait pas. Elle est là comme une silhouette, comme une forme, adossée à la mer, adossée à l'air, au ciel. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est cette capacité qu'elle a de se défaire dans le paysage. Il aime toujours déguiser Camille. Camille a la robe verte, un des premiers tableaux importants de Monet, la montrait dans une tenue de grande bourgeoise qu'évidemment Camille Doncieux ne portait pas. Camille au kimono japonais, c'est aussi une fantaisie. Il la métamorphose en femme élégante qui a l'air de recevoir dans son jardin, d'être au cœur d'un grand parc, alors qu'en réalité, il mène une existence très difficile. Et on ne peut finalement l'imaginer que sous les divers déguisements, dont le dernier, qui est tragique, qui est Camille sur son lit de mort, comme si c'était l'ultime travestissement de la première épouse. On ne peut l'imaginer qu'à travers cette image sublimée. On voit bien que, pour lui, la peinture justifie tout, emporte tout. Mais quand on le regarde froidement, on peut se dire aussi qu'il fait subir... une vie épouvantable à la malheureuse Camille Doncieux. Tout ça pourrait sembler odieux chez n'importe qui d'autre parce que ce sont des comportements d'un égoïsme profond. Et en réalité, tout est transcendé parce que c'est au service de la peinture. Et on peut imaginer que Camille a compris ça. On n'en sait rien, on n'a pas de témoignage, mais on voit comment il se comporte ensuite avec la famille recomposée qu'il a bâtie avec Alice à Giverny. Monet, c'est quelqu'un qui travaille seul, et tous les autres doivent s'organiser pour que leur vie corresponde à peu près à celle du grand homme. Marianne Mathieu, on est là devant deux tableaux qui ont cette particularité d'avoir été peints à Vétheuil, donc Vétheuil là où Monet s'installe avec Camille, et Vétheuil qui sera aussi là où Camille va mourir et où elle sera enterrée. Oui, Monet s'installe à Vétheuil avec Camille et également avec la famille d'Ernest Hojdé, un de ces grands collectionneurs qui fait faillite en 1878, et tout ce petit monde s'installe dans une maison à Vétheuil pour faire face aux difficultés de la vie qu'ils partagent tous ensemble. Alice Hojdé, qui a elle-même plusieurs enfants, prend particulièrement soin de Camille, qui arrive au terme d'une grossesse qu'elle vit malade et qui décède des suites de son cancer quelques semaines plus tard. Alice, d'ailleurs, donnera naissance elle-même à un petit garçon, Jean-Pierre, peu de temps avant. D'aucuns disent qu'il pourrait être l'enfant naturel de Monet. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, Monet vit aux côtés d'Alice Hojdé, qu'il épouse en 1892, et il est à la tête de cette grande tribu quand il sera à Giverny pour ses différents travaux de jardinage. On sait qui sont les femmes que Cézanne, Pissarro, Manet, Renoir épousent. Ils font tous des mariages qui peuvent être considérés comme malheureux par les familles. Mais on sait que Hortense Fichet, c'était une ouvrière, je crois, que Cézanne épouse. On sait que la femme de Pissarro était une aide cuisinière de la famille, ce qui a été d'ailleurs un drame. Donc, elles ont une origine, ces femmes. De Camille, on ne sait rien. Mais ça va bien avec cette espèce d'effacement de Camille dans le paysage, où il y a ce tableau extraordinaire où elle est, qui s'appelle La Promenade, où elle est debout sur un talus à Argenteuil avec l'enfant, le petit Jean, une petite silhouette qui apparaît derrière elle. Mais Camille, avec un voile qui est emporté par le vent, a l'air d'être un élément du ciel. On ne sait absolument pas d'où elle venait, mais d'une famille qui n'est pas qu'une famille de petite bourgeoisie, mettons, 18 ans, elle est la maîtresse de Monet, ce qui est quand même... elle est là, elle passe dans la vie de Monet comme une espèce de figure flottante. Il est porté par l'excitation d'un moment. Ce moment ne dure pas, et ça a été le grand souci, le souci permanent de Monet dans ses recherches, dans ce qu'on appelle les campagnes de peinture, quand il va passer 3 mois à Étretat, ou à Pourville, ou à Fraisseline, ou à Belle-Île, ou à Bordighera. L'obsession, c'était de retrouver le moment, c'était de retrouver l'élan, cette espèce de moment magique où quelque chose naît, et puis disparaît, parce que tout ça, ça dépend de la lumière. Et j'ai toujours vu Camille comme une espèce d'activation du paysage, un élément du paysage et une façon de le faire vivre. Et alors, est-ce qu'on peut dire aussi, Manuel Charpie, que Monet, en 1870, peint aussi la fin d'un monde? C'est l'effondrement de l'Empire, c'est la guerre qui commence. Oui, il y a un vide qu'on serait tenté de mettre en écho avec l'effondrement et puis cette espèce de prise de recul par rapport à Paris et ce qui se passe à Paris. Mais ce qu'on voit aussi, c'est finalement une bourgeoisie assez tranquille quand même. Trouville est assez peu révolutionnaire globalement. Donc on voit plutôt ça, on voit plutôt un calme. Et si on voit la fin d'un monde, c'est pas net dans le quotidien bourgeois. Voilà. Cette peinture pourrait très bien être 5 ans plus tard, on verrait assez peu de différence hein, quand même. Le départ pour l'Angleterre se fait à une date relativement incertaine, mais à l'automne 1870, la guerre éclate en France et il décide de prendre le bateau avec sa femme et son fils pour échapper à la conscription. Et il faut savoir que ils seront nombreux à le faire. Londres sera un lieu de ralliement, d'autres ne le feront pas. C'est le cas de Basile qui meurt quelques semaines plus tard à Bonnat-la-Rolande. Et la découverte de Londres, c'est important aussi parce que c'est la découverte, bien sûr, du brouillard londonien, mais aussi des musées, de la peinture de Constable, de la peinture de Gainsborough. Il y a une tradition picturale, hein, on voit toujours Monet comme un artiste de la rupture. Il y a très souvent chez lui l'envie d'aller chercher des sources, hein, dans une grande tradition. Il ne faut pas oublier que dans sa chambre à Giverny, il y a une aquarelle de Delacroix montrant le bord de la mer à Dieppe, qui n'est pas sans rappeler le tableau qu'on a sous les yeux. Hein. Monet, c'est aussi un descendant d'une vraie tradition picturale anglaise et française. Il s'inscrit dans l'histoire du paysage. Merci à Marianne Alphand, Anne-Marie Bergeret, Manuel Charpie, Alain Corbin, Bruno Delarue, Adrien Goetz, Marianne Mathieu, Sylvie Patin. Merci aussi au musée Marmottan et au musée Eugène Boudin. Lecture, Alexandre Hermet. Prise de son, Fabien Gosset et Thomas Robine. Mixage, Bernard Laniel. Camille sur la plage de Trouville. Une ombre dans le tableau de Monet. Perrine Kervran, Véronique Samouilov. Demain, nous continuons notre semaine consacrée à l'histoire du paysage dans la Fabrique de l'Histoire. Vous pourrez débattre, entendre plutôt le débat que nous aurons avec des archives autour du paysage romantique avec Pierre Watt, Elisabeth Desculteaux et Yvon Lescamp. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que dans le groupe de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook.